Je suis né dans une famille de ring-a-ding. Mes parents voulaient une fille ring-a-ding. Oh, à l'école, je passais pour un ring-a-ding. Dans la main, j'avais comme un ring-a-ding. Vous m'avez compris. Un jour j'ai traité grand-mère de ring-a-ding. Elle m'a retourné une paire de ring-a-ding. Oh, mais elle ne comprenait pas le ring-a-ding. Elle parlait chinois mais pas le ring-a-ding. Elle n'a pas compris. Je passe ma vie à faire des ring-a-ding. Je n'ai jamais voulu changer de style. J'aime la vie, j'aime le ring-a-ding. Et comme ça je vais de ville en ville. Je suis amoureux d'une fille très ring-a-ding. Elle a des yeux bleus. J'ai des rires.